Section 49 de la lecture, tome 6e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 6e. Section 49. Nos contemporains chez eux. Monsieur Edmond de Goncourt chez lui. Par France Jourdain. Le boulevard Montmorency à Auteuil longe le chemin de fer de ceinture qui est bordé de l'autre côté par le Ranelagh et les derniers massifs du bois de Boulogne. C'est un des coins les plus charmants de Paris. Un bout de campagne enciellé à 20 minutes du boulevard et à 100 lieues du brouhaha de la capitale. Une oasis mondaine où les coquettes villas qui y sont construites ont le tact de ne pas s'élever de plus de 2 étages, afin de ne cacher à personne l'admirable panorama qui borne l'horizon, avec le mont Valérien, les coteaux de la Seine et la forêt de Meudon pour toile de fond. Pas d'usine, pas de boutique, pas de commerce, pas de chariot, peu de passants, presque pas de vie. Avec sa tenue correcte, son luxe de bon ton, son aspect heureux, sa tranquillité distinguée, son atmosphère saturée de l'âcre senteur des bois voisins. Auteuil me fait l'effet de ces jardins d'hiver, placés loin des salons de réception, où l'on vient se reposer et respirer à l'aise les nuits de bal. Le bruit de la fête et le son de l'orchestre n'y arrivent que comme un écho indéfinissable et confus. On sent que Paris est là, qu'on n'a qu'à se retourner pour avoir l'impression de son haleine brûlante. Mais on ne le voit pas et on l'entend à peine. C'est sur le boulevard Montmorency que se trouve l'hôtel de M. de Goncourt. Il me semble qu'il devait logiquement, presque fatalement, habiter cet aristocratique quartier. L'historien qui a si subitement compris et dépeint l'élégance suprême du XVIIIe siècle. De même pouvait-il beaucoup s'éloigner du cœur de la grande ville. L'artiste, qui s'appelle lui-même un vieux civilisé, lui, dans ses romans, n'a presque exclusivement peint que des paysages parisiens, avec la sûreté que donne la connaissance approfondie d'un être ou d'une chose, et la puissance qu'apporte encore, plus que le talent, l'amour pour le modèle qu'on copie. Ravalé en plâtre, agrémenté de rares sculptures, modestes, simples, d'un Louis XVI assez indécis, l'extérieur de l'hôtel ne laisse guère deviner les merveilles, peut-être uniques au monde, que renferme l'intérieur. À une époque où les gens bien, pensant en un, ne pouvaient retenir un sourire de mépris lorsqu'il était question devant eux des productions artistiques de l'extrême-orient, dont les uniques spécimens connus par eux, d'ailleurs, étaient les magots en carton installés dans la boutique du marchand de thé de la place Vendôme. Jules et Edmond de Goncourt se formaient, relativement à peu de frais, une admirable collection d'ivoire, de laque, de bronze, de faïence, de porcelaine, d'étoffes, de broderies, d'armes, de meubles, de gouaches et d'aquarelles provenant de la Chine et du Japon. Simultanément à côté de meubles de bronze, de terre cuite et de tapisseries incomparables du XVIIIe siècle, ils entassaient des pastels, des dessins, des estampes signées Boucher, Watteau, Fragonard, Latour, Gravelot, Saint-Aubin, Cochin, Moreau, etc., qu'ils achetaient la plupart du temps pour un morceau de pain, car les gens bien pensants déjà nommés et chargés comme les vestales de conserver le feu sacré du grand art n'avaient pas assez de dédain pour ces admirables maîtres français auxquels ils préféraient les pitoyables barbouilleurs, liquidateurs boursouflés et essoufflés de la Renaissance italienne dont les œuvres encombrent le musée du Louvre. On sait le joli chemin qu'on fait depuis et le japonisme et le XVIIIe siècle. Ce ne sont pas précisément les eunuques de l'Institut qui ont gagné la partie. Je ne me risquerai pas dans une description détaillée de l'hôtel de M. de Goncourt. Elle a été faite, et trop bien faite. Note, la maison d'un artiste par Edmond de Goncourt. Fin de la note. Pour oser la recommencer. Le maître de la maison est d'ailleurs encore plus intéressant que ce féerique intérieur, et j'ai hâte de parler de lui. Elle est peu connue du public, la figure de l'auteur de Chéri, car on ne voit sa photographie aux vitrines des marchands que depuis la reprise d'Henriette Maréchal à l'Odéon. Monsieur Edmond de Goncourt porte très crânement ses 60 années sonnées, l'antithèse de ses cheveux blancs, forts et touffus, et de ses yeux noirs qui ont une jeunesse et un éclat extraordinaires, accentuent encore l'embarras où l'on se trouve de mettre un âge exact sur ses traits, aussi fermes que fins. Par-dessus tout, avec sa moustache retroussée, ses mains d'abbé de cour, sa tenue correcte et un peu froide, ses gestes sobres, son élégance de race, M. de Goncourt possède ce que les peintres appellent de l'allure. Il n'y aurait pas besoin de beaucoup d'imagination pour se le représenter en perruque poudrée, en habit brodé, en gilet de soie à fleurs, le menton caressé par une cravate de dentelle, l'épée en verrou, le cordon de Saint-Louis sur la poitrine. J'ai nettement présent à l'esprit le souvenir de la première visite, une date dans ma vie, que je fis à l'hôtel du boulevard Montmorency. Pour le moment, le marquis Louis XV, que je viens d'évoquer, est vêtu d'une vareuse de drap sombre, et les malines sont remplacées par un foulard noué sans prétention autour du cou. Assis à sa table de travail, une grande planche posée sur des tréteaux, il lit à des amis quelques lettres de son frère, lettres prises au hasard parmi la correspondance dont il terminait la réunion et qui ont paru l'année dernière en volume chez Charpentier. En écoutant ses phrases brillantes, ses aphorismes nerveux, ses aperçus originaux, ses jugements si sûrs, sous la blague verveuse, ses merveilles d'esprit, de finesse et de goût. Je regarde attentivement le lecteur, dont la main frappe inconsciemment la table, par petits coups saccadés, et dont la voix est coupée, de temps en temps, de suffocations nerveuses, à peine perceptibles. Cette émotion, si bien dissimulée qu'elle soit, me prouve, hélas, que l'effroyable blessure faite par la mort au cœur de ce délicat et de ce tendre n'est pas encore cicatrisé et ne le sera probablement jamais. Il faut connaître l'existence menée par les deux frères de Goncourt pour comprendre que le départ éternel de l'un a brisé la vie de l'autre. Être lié par le sang avec un homme qui partage vos goûts, vos haines, vos adorations, vivre avec lui sous le même toit, côte à côte, longtemps, toujours, s'identifier si étroitement qu'une même pensée est transcrite dans des termes identiques par l'un et par l'autre. Renoncer aux joies intimes du foyer, afin qu'un tiers n'accapare pas une part de l'affection commune. Lutter de longues années ensemble, en enchevêtrant assez solidement ces deux tendresses pour ne pas tomber en route d'épuisement et de découragement. Arriver enfin au but et au moment de l'atteindre, sentir la main compressée depuis le berceau se dégager de votre étreinte, voir disparaître le compagnon de toute la vie, l'ami de tous les instants, le collaborateur de tous les labeurs qui vous laisse subitement seul, abasourdi, brisé, anéanti, perdu dans ce monde qui est vide, puisqu'il n'est plus là, l'autre, le frère qui l'emplissait à lui seul. Oh, le douloureux drame ! Et comme l'on se sent pris de sympathique respect pour l'auréole de tristesse qui entoure la tête du dernier des Goncourt. Le souvenir de l'absent est toujours vivace dans la maison qui avait été si amoureusement aménagée par les deux artistes. Le visiteur sait que le goût de ce raffiné exquis a aidé Edmond à chercher et à grouper les merveilles qui remplissent l'hôtel d'Auteuil. La collaboration a été si fortement soudée qu'il est impossible de discerner la part du vivant d'avec celle du mort. de sorte que l'union de ces deux cœurs et de ces deux intelligences continue même au-delà de la tombe. Mais le jour baisse et l'ombre gagne lentement le cabinet. Malgré la trouée creuse que fait la haute fenêtre sans rideau ouvrant sur le jardin, les dernières lueurs du jour sont venues s'accrocher aux figurines de Saxe placées sur la cheminée, puis elles ont été caressées, un pastel représentant le maître de la maison, une des meilleures œuvres de ce pauvre Donitis, et maintenant elles sont arrêtées sur un livre à reliure noire placé sur la table. Ce livre, sur la couverture duquel se trouve un beau portrait émaillé de Jules de Goncourt par Popelin, renferme les lettres de condoléance que l'auteur de La fille Elisa a reçues à la mort de son frère et les articles qui ont parlé à cette époque de l'homme dont l'influence a été prépondérante sur l'art contemporain. Là sont réunies, comme dans un sachet parfumé, toutes les fleurs impérissables jetées sur un cercueil chéri. Celui-là, c'est le souvenir glorieux et réconfortant. Mais dans une des chambres de l'hôtel, j'ai aperçu tout à l'heure le souvenir intime et déchirant. Un fauteuil double, inutile aujourd'hui, puisqu'une des deux places doit rester éternellement vide. La pièce est maintenant presque complètement sombre. Monsieur de Goncourt a arrêté sa lecture. Le rêve est fini. Il faut rentrer à Paris, recommencer la vie bête de chaque jour. En me retrouvant sur le boulevard Montmorency, sous l'impression très vive de ce que je viens de voir et d'entendre, l'esprit de la maison du grand artiste semble s'incarner dans le tableau qui s'offre à mes yeux. Avec son œil rouge de cyclope au front, le train de ceinture passe, en faisant trembler le sol et en entraînant dans sa course folle un tourbillon de feuilles mortes. Il file sur le rail, symbole de notre existence active, fiévreuse, dévorante, dont l'âpre poésie a été si magistralement comprise et exprimée par les frères de Goncourt. Se détachant durement sur un ciel d'automne, empourpré à l'horizon par le coucher du soleil et lavé au zénith dans une teinte bleutée, dégradée, insensiblement jusqu'au vert pâle, les arbres du bois de Boulogne estompent leur masse noire. Traités à grands coups de pinceau, sans modeler ni demi-teinte, par large teinte plate, dont la justesse de la valeur et la précision de la silhouette donnent seule la vie aux objets, ce paysage parisien, légèrement adouci par nos brumes de novembre, ressemble à une aquarelle japonaise sur laquelle un peintre impressionniste aurait jeté l'ambiance et la fluidité moite de notre atmosphère. La fenêtre du cabinet de travail de M. de Goncourt s'est éclairée. Penché sous la lampe, seul avec ses souvenirs, le frère a dû reprendre la lecture interrompue des lettres de l'éternel absent. Tourné vers le passé, peut-être trouve-t-il encore que la gloire est une tête de mort couronnée de lauriers. Car si l'un est entré vivant dans la postérité, l'autre est tombé sur la route, blessé par la vie, assassiné par la bêtise humaine, et c'est sur une tombe que s'amoncellent les fleurs triomphantes de l'apothéose d'aujourd'hui. Fin de la section 49, lue par Margot.